Or, la délégation de 16 étudiants de l'ESG a réussi à décrocher le titre de Distinguished Delegation dans cette simulation qui regroupait plus de 170 universités. Merci encore aux partenaires pour votre support qui aide au rayonnement de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. FestiRAM, le Festival international des rythmes d'Afrique et des Antilles de Montréal, présente sa deuxième édition au Métropolis les 24 et 25 avril dès 21h. En spectacle, plusieurs artistes du monde, dont Ismaël Lowe et Allison Hines. Vente des billets sur ticketpro.ca et au Métropolis. Pour plus d'informations, visitez festiram.ca. Une production Tidiane World Music en collaboration avec Choc FM. Choc FM présente Par ici la sortie 2009 le 30 avril prochain au Métropolis. Orange Orange et Mister Valère en spectacle et Ghislain Poirier qui fait bouncer jusqu'à 3h du matin. Par ici la sortie 2009, c'est la seule vraie façon de bien finir l'année. Alors viens au Métropolis le 30 avril danser sur la musique d'Orange Orange, Mister Valère et Ghislain Poirier. Par ici la sortie 2009, c'est savoir sortir par la grande porte. Billets en vente sur le réseau Ticket Pro. Information, lasortie.ca. Vous écoutez Choc FM. Quand la cloche sonne, c'est qui donne 170%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement faites fort, du bon bon bon fort, chatons et doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant. Pas de bêtises, pas de Jésus, les doutes tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis? Qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit? Vive la vie, vive le vent, doute à 70%. Teddy Page en background. Voilà. Je sais pas c'est qui a fait la trame sonore en fait du film de ce soir. L'excellent. Et puis l'excellent. Les Éliminateurs avec Richard Harrison, un film de Teddy Page. On est en 1984 selon certains sites, en 86 selon d'autres. C'est beau. On est à moins 8.5 selon d'autres aussi. Personne qui se rappelle quand est-ce qu'ils ont fait ça. Voilà, Étienne Forêt au micro. Étienne Forêt, c'est quoi t'as découvert cette semaine? Cette semaine, je vous amène faire le tour des grandes métropoles du monde. Oh ben c'est sympathique, encore une thématique outre-mer. Outre-mer, oui, ben outre-mer en fait seulement dans les propos, mais intra-mer dans les gens qui la chantent. Voilà. Et parlant d'outre-mer, je travaille en ce moment, probablement pour la semaine prochaine, sur un super spécial France, avec la collaboration de notre fan number one en France, Lilian Schutt. L'intervention... Hey, on est vraiment... Que t'as bien prononcé son nom, je suppose, là, cette fois-là. Ben, moi, je pense que je le prononce comme il faut, mais... On avait honoré jadis son saucisson, d'ailleurs. Oui. C'était très bon. Qui est allé direct à la bonne place. Ouais. Sinon, Stéphanie Balthazar qui fait un retour marqué. Oui. On s'ennuyait. Non, je m'excuse. Marqué, marquant. L'important, c'est qu'on soit... Je me suis perdue chez nous. Trois et demi, c'est gros. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, toi? Ah, dans la série Comment vous apprendre à vivre. Aujourd'hui, c'est comment choisir un bon magazine de toilettes. J'espère que les Archie sont dans la top list. Ah, écoute, tu vends tout le temps mes punch. Surprise. Ben, c'est pas ton punch, Archie. Non. OK. C'est non, c'était pas ça. Attendez, je reviens. toi, Jessica? Bébé, tragédie, scandale et acte glorieux dans le showbiz. Oh, glorieux, ça a rapport avec ce qui va se passer à soir au brouhaha, ça. Oh, parce que les glorieux vont sûrement... C'est une des premières fois de ma vie que j'espère comme que les Canadiens perdent. Ah, moi, j'espère tout le temps ça. Sinon, c'est interminable. Et pourquoi? Dis-moi. Ben, parce qu'on va avoir pour la paix. Pour le visionnement. Ben oui, pour avoir la salle au visionnement, pour pouvoir écouter des clips douteux. J'en ai trouvé tellement plein cette semaine. Donc ici, l'excellent « Dingue de mon slip » de Stefano Mariano, qui est lui aussi français. C'est pas de sa faute. Hein? C'est faute de ses parents. On va écouter ça. On revient à 70% pour les éliminateurs et puis des nouvelles. C'est peut-être une joke, on sait pas. On croit que oui. Il fait très beau à Saint-Tropez. Il y a des belles filles à Saint-Tropez. Il y a des beaux mecs aussi à Saint-Tropez. Moi je t'aime tellement à Saint-Tropez. Moi je t'aime à Saint-Tropez. Moi je t'aime tellement à Saint-Tropez. À Sondage de mon slip d'un, de mon slip d'un, de mon slip d'un, de mon slip. À Sondage de mon slip d'un, de mon slip d'un, de mon slip d'un. Tu es parti très loin de moi. Moi je t'aime tellement, Roulia, mon amour. Je t'aime tellement, mon amour, si joli. Toutes les nuits je rêve de toi, mon amour. Toutes les nuits je rêve de toi. Toutes les nuits je pense à toi, mon amour. À son dingue, mon slip dingue. De mon slip dingue, de mon slip à son dingue. Dingue, de mon slip dingue, de mon slip dingue, de mon slip. Je suis tout nu sur les bords de Saint-Tropez. Je suis tout nu, tout nu à Saint-Tropez. Je me bats tout nu sur les bords de Saint-Tropez. Moi je t'aime tellement, Roulia. Toutes les nuits je rêve de toi, mon amour. À son dingue, mon slip dingue, de mon slip dingue, de mon slip dingue, de mon slip. À son dingue, de mon slip dingue, de mon slip dingue, de mon slip dingue, de mon slip. À son dingue, de mon slip dingue, de mon slip dingue. De mon slip dingue, de mon slip à son dingue, dingue, de mon slip dingue, de mon slip dingue, de mon slip à son dingue, dingue, de mon slip dingue, de mon slip dingue. Hello, my name is Andy Wabi. I'm listening to 70% at UCAN. I'm enjoying myself. There are a lot of nice people around. C'est vrai qu'il avait été choyé, Andy Wattie, quand il était passé. Il y avait plein de belles madames. Tu l'avais rencontré, toi, Stéphanie, Andy Wattie? Mm, non. Oui. L'être humain là, qui voulait revoir le monde. Je suis un peu tout à son image, un petit peu. Ouais, c'est des régions. Mais c'est encore en archive, les amis. 22 tranches de bacon de monde placées sur la carte de façon. Steph est un peu perturbé parce qu'elle est encore sur la chanson Dingue de mon slip. Mon slip. De mon slip. Oui, c'est très bon. Je vous conseille de regarder sur YouTube Dingue de mon slip. Vous allez voir la tronche du gars. On dirait que c'est fait Photoshop et ça, c'est de toute beauté. Un excellent visuel. Voilà. On va y aller en nouvelles parce que sinon on finira pas. On pourrait passer tout le show à faire ça aussi. Ça pourrait être le fun. Après avoir introduit le crapaud buff afin d'éliminer les insectes qui s'attaquaient à la canne à sucre en 1935, l'Australie récidive en introduisant des fourmis omnivores afin de se débarrasser des crapauds buffles. Bon. Le crapaud buff avait été finalement plus nuisible qu'utile et a éliminé des prédateurs importants à l'écosystème et des animaux de ferme. Les nouvelles fourmis ne ne sont pas atteintes par le poison que sécrète le crapaud et se nourrissent des bébés crapauds. Tout devrait bien se passer, d'après moi. Ah oui, tout, c'est clair. Ouais, ils ont vraiment compris ce qu'il fallait faire. Ben, puis, ils ont bien plus d'expérience. Ils l'ont fait une première fois, ils ont fait des erreurs, ils ont appris de leurs erreurs. Ah oui, fait que là, ils font la même chose. Mais est-ce que. Mais mieux! Mieux. C'est des fourmis, c'est bien mieux. Parce qu'on sait que les fourmis, c'est très contrôlable comme animal. Ouais, c'est facile. Ouais, ouais. Ça s'adapte absolument pas. C'est mais, où ça, cet avion-là? Ça, c'est en Australie, ça. Ah, le crapaud buffle australien qui vient du Pérou. Mais, oui. Mais c'est pas une plaie, ça? De... Non. Je pense que t'as pas écouté la nouvelle à Bruno. Hein. Les plaies d'Égypte, tu penses? Hein? Ah, mais est-ce oui. que, mettons, est-ce fourmis, que, mettons ils ont dans... fait le test que la fourmi avait des prédateurs là-bas avant de l'amener? Est-ce que... Non, mais au pire, on en amènera un prédateur. Là, c'est pas compliqué. Ouais, c'est ça. C'est tout réfléchi, ça. Tous en avant à 70%. T'en as-tu une autre? Ah ouais, on peut continuer. On va rester en Australie. Tiens, à Burnie, une ville au nord-ouest de la Tasmanie, on a trouvé un nouveau moyen de combattre la crise économique. C'est la compagnie Creative Paper qui fait maintenant du papier avec des excréments de wombat. Mais oui. Le papier fait d'excréments de kangourou avait déjà été fait, mais sa popularité a été éclipsée par les produits inspirés du wombat, qui est tellement plus cute. Oui. Donc, les clients demandaient souvent pour du papier fait de caca de wombat, affirme Darren Simpson, directeur de Creative Paper. Le processus de manufacture du papier peut être déplaisant, ajoute-t-il. Quand on fait bouillir les sels, l'odeur est horrible, mais une fois stérilisé et rincé, il en reste une odeur organique agréable. Est-ce qu'on va avoir le papier de caribou c'est ça que au ça Canada? Oui, c'est ça. Ce serait pas une mauvaise idée. C'est, ouais, mais c'est pas pareil, pareil de, mm-hmm. de recycler des choses que la nature recyclerait autrement, mais en tout cas. Grattons les trottoirs de la crotte de pigeon. Ouais. Ou non, des restants de gomme, des botches de cigarettes. Ça, ouais, c'est des ça, matières ça, ouais. qui sont très, très produites en grande quantité par la race humaine. Ben dans le film Biodôme, ils refaisaient un nouveau filtre à air le avec les botches après cocasse. Le gros party dans le Biodôme. Ouais. J'ai pas écouté ce film-là 25 fois. Ouais. Ils devinaient les pets aussi de ce qu'ils avaient mangé. Ouais. Israël, on s'ennuie. Est-ce qu'on s'en va dans l'univers de DJ Forêt Georges? Pourquoi pas? Mais avant tout, une petite pause. Après la pause, DJ George traverse l'enfer de la drogue à 70%. Est-ce qu'on voit l'allure recherchée? Coiffure esthétique pour se faire une beauté sans trop dépenser. Une coupe pour seulement 5,95 chez Escompte Coiffe. Oui, 5,95. Une allure recherchée à prix super économique. Il y a certainement un escompte coiffe près de chez vous. 332 La Fontaine à Rivière-du-Loup. Sinon, t'as mal cherché. Asti. Escompte coiffe. J'ai de la catcher. Escompte coiffe. Escompte coiffe. Puis je vous coiffe. Alors, à 5,95, c'est une belle coupe. Puis il y en a sûrement un près de chez vous, puisqu'ils sont au 332, je sais pas trop quoi, à Rivière-du-Loup. Alors voilà, donc pour tous ceux qui payent plus que 6$ pour leur coiffeur, ben vous savez quoi faire maintenant. Puis moi, on va aller faire un reportage là-dessus. On devrait. On part en voiture à Rivière. Moi, je veux un avant-après de vos coiffeurs. 70% sur la route. Moi, je suis prête à financer une partie de cette coiffeur-là. Donc aujourd'hui, les grandes villes, les grandes métropoles du monde, t'es en chanson. Donc plutôt que de vous faire jouer des tunes de ces villes-là, je vous fais jouer des tunes d'ici ou de France qui parlent de ces villes-là. Donc c'est quand même plus safe. On peut quand commencer directement par Montréal avec la famille Souci qui nous chante la chanson des Waiters. Vous allez voir, ça va vous donner le goût d'aller prendre une bonne bière au Canada, particulièrement à Montréal. Venez nous voir à Montréal, vous trouverez des grilles les mains. Tous les Waiters vous font honneur, vous serviront du vrai porteur. Ah, ah, ah, venez au Canada, prenez un verre de bière qui vous plaira. On reconnaît la voix de ma tante Souci en arrière. Oui, ben oui, c'est toujours ça. J'étais pour le dire. Eh oui, donc à Montréal, hein, on peut vous servir un verre de porteur et tous les waiters sont super sourieurs. Donc, rappelez-vous de ça quand vous irez dans un bar quelque part. Ouais, c'était une belle twist, ça. C'est beau, hein? Ben ouais. Donc, quand on parle de Montréal, on parle aussi, bien sûr, de la rue Sainte-Catherine, là où on est en ce moment pour encore quelques instants. Et qui dit Sainte-Catherine pense aux sœurs Kate et Anna McGarrigle, qui engendrèrent évidemment l'autre gars là, qui me tombe ses nerfs, qui est une fils Wainwright. Ça, là, c'est une des chansons que avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés. Mes parents écoutaient ça quand j'étais petit, puis je suis plus capable. Donc, on passe tout de suite. Le plus court extrait. Oui, là, pourquoi je me suis appris? Ah non, la laisse au complet. C'est toi qui as la coupe. Hein? Ouais, là, je me tombe seulement à moi-même. On va aller du côté de Québec. Sortons un peu de Montréal pour aller fêter le carnaval. Et oui, avec quoi ça rime, carnaval? Avec balle. Fécale. Total. J'ai choisi balle. Fatale. Chacal aussi. Pas mal. Bon, bon, bon. Respecte la face à Jessica, s'il vous plaît. Je suis dans ma face. Bon, alors ici, Québec en fête qui nous chantait Carnaval québécois. Je vais mettre du rouge sur toutes les embouchures. Je n'aurais tellement pas dû dire ça. On va s'éloigner tout de suite de tout ça. Laissons de côté ces grandes métropoles québécoises pour aller faire un petit tour du côté des plus petites villes du Québec qu'on entend moins parler. Par exemple, Saint-Thomas. Qui dit Saint-Thomas dit, mesdames, messieurs, bien sûr, tout le monde le sait, oui. Festival du tabac. Ah. Le très prisé Festival du tabac. Oui. Alors, Rémi Mignot et ses cœurs qui nous enchantent le thème. Le thème du Festival du tabac de Saint-Thomas. Ouais, en 1973. Ah, on connaît le tabac. Ah. Et voilà. On a le goût d'y aller, hein, pour se récréer. Dans le même genre, ben, y a le festival plus connu, Western de Saint-Tite. Moi, j'ai l'impression que tu nous as piégés. Là, tu parles pas de métropole internationale. Alors, moi, je commence proche, puis je m'éloigne. Je suis rendu à Saint-Tite, c'est quand même loin. Complètement fou. Saint-Tite, ville du Far West. Qui revit. À chaque année. Au nord de Shawinigan. Puis qui meurt tout de suite après. Qui meurt à chaque fois. Pas trop loin de Daisy Town. On peut s'éloigner un peu, là, puisqu'on me reproche de rester québécois. En tout cas, je pense que c'est correct. J'aurais aimé ça. Moi, Sainte-Perpétue, quelque chose, le Festival du cochon. C'est ton genre aussi de nous envoyer à une place, puis finalement dire je vous attends, je suis rendu à l'autre. Non. C'est pas du tout mon genre. Je vais sauter tout de suite dans une grande ville. Donc, on a évidemment, tout le monde connaît la ville et la chanson New York, New York. Mais avez-vous déjà entendu la, méta, là. La belle version de Patsy Galland? Oh! Demain, je serai tout pour toi. New York, New York. J'ai tourné en rond. Moi, je pense qu'on va en écouter un petit bout, puis on va revenir parler des éliminateurs avec Richard Harrison. C'est bon, celle-là s'écoute bien quand même. Ouais, c'est groovy. Oui! New York, New York. Et je ma petite ville d'amour, tu sauras m'aimer, tu le diras à tes amis, dans tout New York, c'est toi que j'aime et que j'en ai, c'est toi ma vie, veux-tu de moi, New York, New York, New York, New York. New York, ma musique, New York. Rose. Ben, je m'appelle Joël. Puis la prestation, c'est super. C'est encore mieux qu'avant. Les tunes, les nouvelles tunes sont écœurantes. Les autres aussi sont écœurantes. Et toi? Ben, c'est super cool, là. C'est super écœurant. Les danses, ça, c'est pas belle. C'est super cool, vraiment, là. C'est quoi ton nom? Marie-François. Et tu devrais faire des balles, toi? Ouais. On va ici. Toi, vas-y. Comment t'as trouvé ça, la prestation? Mais ça, c'est pas cool. C'est super le fun, là. J'aime pas le goût. Il y a comme un... C'était super. C'était super cool. Toi, dis-nous la même chose c'est en changeant cool, le prénom. C'est super cool, c'est super bon, c'est super Puis ton nom, c'est quoi? Spot Jess! Peux-tu faire des mouvements, s'il vous plaît? Ouais, Spot! Donc, c'était des extraits de Musique Plus de la première prestation des Backstreet Boys. Ça fait longtemps, là, ils venaient présenter le deuxième album à Montréal. Ouais, ça doit faire nécessairement longtemps. Fais attention avec tes adverbes, là, on est à jeun. Donc, il ne reste que deux émissions de 70%, on n'a pas peur, deux émissions de 70% ici sur la rue Sainte-Catherine, dans l'ancien loco du 281. Je retrouve encore des poils spéciales. Sinon, ben, on va recommencer fin mai, début juin. En attendant, c'est douteux.org ou Radio Cochonnerie. On va le répéter. Ça va être douteux.org ou Radio Cochonnerie en attendant le retour de 70%. Radiocoche.org. Radiocoche.org, bien sûr. Pour une bonne dose de mauvaise musique, je vais probablement aussi mettre quelques extraits de nos meilleurs bouts de 70% t'es dans ben la playlist. Mon taquin. Et tes blades. Hein? Non. Donc, pour l'instant, éliminateur. Oui, on a encore décidé. On a décidé tous ensemble de faire face à Teddy Page. On a choisi de se déplacer pour venir voir 5400 secondes de matériel philippin original qui date de 84 à 86. Ça dépend. On va dire 85. Ouais. Ce soir, on est amassés ensemble devant Teddy Page. Celui qui nous avait fait pleurer et rire. Pleurer de rire avec Les Massacreurs, son premier film, début février dernier. Vous vous êtes déplacé malgré le fait que Teddy Page, sans l'ombre d'un doute, s'étalera glorieusement sur cette toile, sous ses micros, sous vos projectiles et à maintes reprises dans le futur. Ce soir, je suis fier de te présenter ma douteuse Blood Depth, connue ici sous le nom original de Eliminator. Le troisième film de celui que j'ai autrefois et de manière de plus en plus définitive taxé de le plus douteux de tous les réalisateurs de l'espèce humaine, mettons. Héros obscur de couleur et d'état, James Gaines, servira ce soir de lien entre le héros et les mystérieux gardiens de l'Underworld. Jim Gaines n'est que très rarement au centre de l'action d'un film. Il n'est que très rarement dans un film. Tout comme il ne survit jamais au scénario, vous vous souvenez comment il s'est garoché sa grenade dans Hunter's Crossing? Ça servait à rien, là. C'est le scénario qui a dit « va mourir ». Et puis, ben, c'est ça. Quand t'entends l'appel du scénario, hein. Ben, c'est ça, faut que tu y répondes. C'est comme les oies qui s'en vont accoucher ailleurs. Se cache pour mourir. La migration. Ouais. Voilà, le phénomène de migration de Jim Gaines qui s'en va sur les grenades dégoupillées qui tirent dans un milieu de champ de bataille. Je m'en vais migrer! Donc, Jim Gaines tiendra ce soir la performance de son personnage la plus soutenue. De son personnage, oui. Apparaissant à toutes sortes de moments, à toutes sortes de moments, de toutes sortes de degrés de pertinence, il sera tour à tour, mais de la même manière, étranger, employeur, allié, puis pourvoyeur en armes recyclées trois films plus tard. Ben, vous allez comprendre en écoutant le film. En fait, ce que je veux dire en parlant de Jim Gaines, c'est que j'ai déjà parlé de Teddy Page! Richard Harrison, tout le monde le connaît, et Mike Monty, j'en parlerai une autre fois. Si vous avez un nom à vous rappeler du film de ce soir, un acteur douteux qui brillera désormais au firmament des bizarres, ben, au bizarre des firmaments de ceux auxquels vous portez un prestige, c'est Jim James Gaines. C'est la petite moustache bronzée. On va se lancer maintenant dans l'aventure du film. Les premiers extraits de ce soir. Le film commence, c'est une scène de pique-nique. On va juste écouter une phrase, c'est pas long, mais écoutez le traducteur, comment il s'investit. Très belle journée, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ne fait pas froid? Merci. Merci, il fait pas froid. Bonne idée, ce pique-nique. Mm-hmm. Nous deux, seuls. Nous deux, seuls. Donc, on sent que, tu sais, hein, ça brasse. Ils sont en pique-nique, les deux. Puis là, il y a comme des méchants qui arrivent avec des fusils puis qui commencent à tirer dans le jeune couple là, qui pique-niquait. C'est insoutenable. On s'en va à 6 minutes 30 maintenant. C'est ceux qui ont tué, ben, parce qu'en fait, tout le monde va mourir, là, les deux qui pique-niquaient, pour pousser le héros au personnel. On est few months later. Les gars, le père de cette nana nous a repérés. Ouais, moi j'ai une idée. Pourquoi on va pas chez lui et on le tue aussi? On n'a pas déjà trop tué dans ce coup jusqu'ici? Il n'y a pas d'alternative. C'est comme des Australiens. Avec un problème, avec un problème. C'est ça. Il faut le faire, et vite. Ouais, c'est juste. Ça a l'air unanime, là, à date. Et voilà. Donc, il y en a un qui est comme un petit peu contre ça, vous l'avez entendu. Il était rébarbatif à l'idée de continuer d'aller tuer du monde. Ça l'empêchera pas de mourir d'ici quelques instants. On s'en va à 13 minutes. Vous avez compris que le héros a perdu sa famille, que le héros a commencé à tuer tout le monde. Ce qui est beau dans ce film-là, je vais en reparler tantôt, mais c'est que là, je m'en vais à la 13e minute. Et le héros, Richard Harrison, a déjà complété sa vengeance personnelle. Il a tué tout le monde qui avait tué sa famille. C'est réglé. Après 13 minutes? Ouais. En 13 minutes. Le chiffre chanceux. Vous avez le nom. Vous avez mon pognon. Ça va acheter un nom. Là. J'ai changé d'avis. C'est pas assez, je veux plus. Tu parais dur en affaire. J'espère que ça les vaut. Voilà. Plus. C'est comme l'annonce de Toyota, non? Plus. Bah, combien tu veux? Je veux... Puis ça entend pendant ce temps-là. Il y a tout le temps qu'il discutait. Il se fait flasher dans les mains. Ça reprendra à OK, là, on l'a entendu. Je vais le reculer un tout petit peu. Un moment de génie, écoutez ça. Moi, j'ai entendu « You get it now, dear ». Oui, effectivement. C'est ça. Donc, ils ont comme oublié de traduire une phrase à un moment donné. C'est normal. Écoutez ça. Ça va. Et puis là, ils ont repris le même bout puis ils l'ont remis après. Il a pas dit « ça va » deux fois. Il a dit « ça va ». Puis là, ils l'ont remis après. Et puis, on a une beauté de coup de téléphone ici. On va décrocher. Je pense qu'il faut que je fasse ça. 70%, bonjour. Ouais, bonjour, Tommy. Oui. Ouais, c'est Benoît. Benoît, oui, bonjour. Hey, ça va bien? Ouais, oui, ça va bien. Toi, t'es au brouhaha? Ben oui, je suis en direct d'un match qui est diffusé sur écran géant au brouhaha en ce moment. Malade. Wow. Hey, je vais partager ça avec toi et tes auditeurs. C'est quoi le score à date, là? Ah, c'est 0-0. Ah, okay. Ah, OK. C'est chaud. C'est bon. C'est très sérieux. Il décharge. Laisse-moi dire que ça décharge. Et puis sinon, ben, on va avoir les éliminateurs après, hein? Oui, c'est ça. Je vais dire aussi à tes auditeurs que comme il n'y a pas d'hors d'œuvre, mais il va toujours avoir un long métrage après, là. Ah, ben oui, c'est sûr. Oui. Puis sinon, ben c'est ça. Puis méfiez-vous du Cerbère, hein, il est vraiment. En tout cas. Le Cerbère. De... Quand je suis ça l'aide, il joue, je sais pas, mais. Bon. Ça fait qu'on a Benoît qui nous tient au courant. On connaît la voix de Simon Chénier. Ah, ça rassure tout le temps, ça. Tout le temps. Ben, je vais te laisser parce qu'il y a une horde de femmes qui viennent nous arracher nos vêtements, OK? Bon, ben c'est bon. Salut, Benoît, à tantôt. Salut, ciao. On se dépêchera sur nos minotaures pour arriver là-bas. Si ça, c'est pas du pur à 70%. Non, donc, là, je pense qu'on a compris deux facettes assez fascinantes du doublage d'un film. Reprendre le même bout et puis d'oublier de traduire. Je pense que c'est quand même assez fantastiquement unique. On va écouter ici la tune thème du Prof Pop Snaggle, l'autobus volant. Ça date de longtemps. Ça a l'air, oui. Ouais, ben tiens, il veut pas. C'est plate qu'ils font ça. C'est quoi qu'on va faire d'abord? On va bouder. D'autres choses. C'est la rébellion des chansons. Je mets tout le tonneau au hasard. Attends, je vais faire un mime. Non, non, tout toi. On va essayer avec VLC. Je vais l'écouter parce que tout le monde la connaît, cette tune-là, puis j'ai été content de la retrouver. Ça me dit rien, en tout cas, là, comme description. Non, ça veut rien savoir. Ça sonne encore. Ça sonne encore. On a un autre coup de téléphone. On est vraiment rendu populaire. Peut-être que quelqu'un va la faire jouer. Ben là, je vais la. On est à 70%. Ouais, allô, moi, je vous rappelle, là, je suis en train de tomber dans la marche. C'était deux en dresse. Ça, Pristi, on est vraiment, vraiment occupés. On est rendu avec des fans à l'extérieur. Le monde nous appelle même quand ils sont en train de tomber dans les marches. Ben oui, ben écoute, on avait ça live. C'est quand même rare qu'on peut assister live à la radio à quelqu'un qui tombe dans les marches. C'est ça, c'est ça. Mais je pense que ça va conscientiser tout le monde un peu au danger. Je pense qu'on pourrait, c'est ça, prendre un petit peu de notre temps pour, comme vous rappelez à tous, que de tomber dans les marches, c'est jamais une bonne idée. Non, ça fait mal, hein, souvent. Le roi pop, Rap Albert. Oui, donc, hein. C'est frais, frais, frais. On vient de découvrir ça avec DJ Georges. Le Rap Albert, personne ne connaît sa toune, personne veut la connaître. Vous êtes à 70%. On revient juste après pour des belles nouvelles. Pareil, roi pop. C'est des hip hop. C'est juste un test, non, ce n'est rien. Petit soundcheck des musiciens. 1, 2, 3. Alors, c'est moi. Oui, je suis le roi. Je suis le roi de ce pays, mais je rigole pas beaucoup ici. Ma fille Astrid voyage et bouge toujours en route pour la Croix-Rouge. Philippe a une chouette fiancée, mais je crois pas qu'il le sait. Laurent, dresseur de chiens en herbe, a toujours les pieds dans la main. Mais enfin. Alors, vous n'avez pas une autre rime pour l'herbe? Ne me faites pas dire ça. Comment s'appellent ces filles là-bas? Comment? Beck et Vogels. Qu'elles s'arrêtent, s'il vous plaît. Alors, je suis le chef, je suis le roi. J'aime les frites et les cervelas. Jean-Luc Premier bien enveloppé. Et tous les jours, notre invité. Sur la justice, il a des doutes. Elle pédale dans la choucroute. La météo dit craint le froid. Mais c'est pas vrai, le roi, c'est moi. Et bien voilà, ça c'est la Belgique caca. Enfin, on ne peut pas enlever ce caca. C'est pas sympa. Ça c'est la Belgique, voilà, comme ça. Dans ces pays, je suis le roi et j'aime rapper, ça c'est méga. Scooby-dooby-doo, babadou, baba. 1, 2, 3, alors c'est moi, le roi. Et bien voilà, c'est ça, j'ai chipoté par-ci, par-là. Ça c'est la Belgique caca, alors plus fort. Paola et Fabiola, la, oh la la. Boive Coca-Cola, la, oh la la. Oui ça va, ça va, ça va, c'est encore à moi. Je suis le chef, je suis le roi. J'aime les frites et les cervelas. Jean-Luc vide les verres et nos poches. Après mon diac, c'est trop moche. Une salade journellement. Ok docteur, après ou avant? Allez, chante le oulala. La Belgique, ça c'est la Belgique. C'est quoi qui dit? C'est la Belgique caca? Je sais pas, je vous avoue que j'écoutais pas. Ben, le chinois. C'est ça. Je savais pas qu'il y aurait les questions à la fin, là. Tu l'avais pas dit. Ben, c'est ça. Donc, c'était le roi pop, on vient de la découvrir ensemble, tout le monde. Après Iggy Pop, le roi pop. Ouais. Après ça, les pop. Longtemps après. Vraiment longtemps. Fait que Bruno. Oui, alors il y a la défense jumeau qui frappe encore cette fois-ci pour des tickets de parking. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des deux gars qui avaient volé une maison, etc. Alors c'est Harold et Michael Lengen, jumeaux identiques et citoyens suisses, qui ont accumulé 29 tickets de parking pour une voiture qu'ils possèdent ensemble. Mmh. Mais pour chaque ticket, ils disent chacun de leur côté que l'autre conduisait et ne paye donc jamais l'amende. Un porte-parole pour la police affirme que c'est extrêmement frustrant. j'avais une phrase qui continuait, mais je trouvais que c'était plus drôle de la finir comme ça. C'est quoi, ils vont en tatouer un au fer? Et puis on va rester dans le domaine policier, la police d'Arabie Saoudite qui enquête sur un canular qui pousse les gens à acheter des vieilles machines à coudre de marque Singer pour des montants qui atteignent les 50 000 $. Rumeur qui s'est propagée de bouche à oreille et sur internet depuis quelques mois veut que certaines de ces machines à coudre contiennent du mercure rouge, une substance qui n'existe probablement pas, sont dans les poissons, et qui possède des caractéristiques très recherchées comme outil pour trouver des trésors, éloigner les mauvais esprits et fabriquer des bombes nucléaires. Tout ça ensemble dans une machine à coudre. Ouais, donc une toute petite quantité pourrait se vendre pour plusieurs millions de dollars, supposément. Si ça existait maintenant. Voilà. C'est comme de l'adamantium. Ça serait vraiment hot, mais voilà, c'est ça. Moi, j'ai un stuff là, ça va faire s'éloigner les mauvais esprits et tu vas pouvoir en faire une bombe nucléaire. En même temps, éloigner aussi les mauvaises personnes. Tu peux aussi faire des machines à coudre avec ça. Ouais. Puis chercher les trésors, c'est vraiment hot. Voyons donc. Puis les autres, ils agèrent. Ouais, il y a du monde qui agèrent. Il y a du monde qui sont. Parce qu'ils vont faire un profit, tu sais. Et la roue font comme Marco Rouge. Moi, en tout cas, je pense que Nicolas Cage dans National Treasure, il aurait dû utiliser ça pour trouver ce qu'il cherchait. Ça aurait fait un film moins long. Déjà. Moi, je trouve ça excellent, ce film-là, National Treasure. J'aime beaucoup le concept du fait que, comme, ça peut être infini, là. Comme film, il arrête pas de trouver des affaires, genre comme t'as un carton d'allumettes, il y a quelque chose écrit dedans, ça te mène dans une craque de divan, il y a quelque chose d'autre dedans, qui te mène dans un tatouage, un évier, puis à un moment donné, si t'es plus sûr, tu vas checker sur Google. L'opinion de Bruno. Hey, merci bien gros pour tes nouvelles, on va s'en aller vers la page féminine de notre émission. Boum boum pow, la nouvelle toune des Black Eyed Peas, qui est bonne, hein? Ah, c'est ma préférée. Capable. Trois sons, trois voix. Showbiz, biz, biz. On parle bébé. Elle marche. Arlo, la fille de Nicole Richie, de Joel Madden, qui fait ses premiers pas. Enfin. Elle a fait ses premiers pas. Oui, c'est. Il y a des photos qui ont été prises à Greystone Mansion Park de Beverly Hills qui le prouvent. C'est une photo qui montre preuves, là. C'est facile de montrer un pas vraiment. C'était la fête de Suri Cruz le 18 avril dernier, la petite bambine de 3 ans de Tom et Katie a eu droit à un anniversaire à thématique de princesse, donc chasse au trésor, on en parlait juste avant avec Nicolas Cage. Ils sont encore vivants pour le moment. Et elle a eu un gâteau avec La Belle et la Bête comme décoration dessus. Donc, passer 3 ans, c'est génial parce que la petite Suri va commencer à aller à l'école de la Scientologie. Ça va coûter plus de 8 000 $ par an pour qu'elle soit éduquée selon leur souhait, le souhait des parents. Oui, le souhait des parents. Parce que Katie aussi est dans le couple. Ben oui, elle a une opinion. Elle n'est pas juste accouchée, elle. Oui, on la connaît, c'est pas pour rien. Tragédie, scandale. Madonna a été hospitalisée après avoir fait une chute de cheval le samedi à Southampton dans l'état de New York. C'est des paparazzi qui ont comme surgi d'un buisson, qui ont fait peur au cheval. Cheval a réagi. Réaction de body de Madonna. Madonna tombe à terre, se ramasse à l'hôpital. Elle va bien. Mon Dieu, mais c'est Lady Di all over again. Fait que là, en plus, les paparazzi viennent de réussir à faire parler d'elle par la bande. C'est pas puis là, ils vendent leur photo d'elle en train de tomber. Mais ce qui est vraiment important de souligner, c'est que c'est son deuxième accident d'équitation. Hein. Elle s'était déjà cassé la clavicule et trois côtes en 2005. Dit, important à souligner. Ouais, OK, c'est bon. Surligner, mettre en gras, italique. oui, sinon, hey, ça c'est important. Le père de Rubina Ali, la jeune vedette du film Slumdog Millionaire, nie avoir voulu donner sa fille en adoption en échange de 300 000 $. Alors lui, il dit que cette affaire-là, c'est un mensonge construit de toutes pièces par les journalistes étrangers qui ont voulu jouer à un jeu avec lui. Et c'est sûr que c'était jamais en bas de 500 000. Là. Non, mais ça a commencé à 75 000. L'offre, ça a augmenté tranquillement jusqu'à 300 000. Et l'oncle de la famille dit « L'enfant est désormais spécial. Ce n'est pas un enfant ordinaire, c'est une enfant avec des Oscars. » Elle a trouvé le mercure rouge. Voilà. Oui. Aïe. Et le père, à sa défense, dit que... C'est un enfant avec un prix. C'est un enfant avec un prix, dans tous les sens du mot. Et le père dit, pour sa défense, qu'en fait, on lui approchait avec une offre et qu'il aurait toutefois fait semblant d'être intéressé par simple politesse parce que il voulait pas se montrer froid. C'est ça. Et il disait qu'en Inde, on ne dit jamais directement non. C'est ça. On dit... Ça me voulait juste être poli, puis en acceptant de peut-être vendre sa fille. Parle. Mais sa fille disait, moi, je leur fais confiance, je sais que mon papa m'aime. Ouais, acte glorieux et très intéressant. Oprah Winfrey est la toute nouvelle star qui a adhéré au site Twitter. Ouais, bon. Je pensais qu'il avait maigri. Ça, c'est le fun Twitter. Ouais. Moi, j'aime ça. C'est cool. Et sinon, c'est quoi, c'est comme Facebook? En mieux. Ça te montre tout ce que t'es dans le monde. On peut te trouver. Ouais, tu peux partager tout ce que tu fais avec tout le monde sur Terre. Ben, comme Facebook. Bon, sur Twitter. Ouais, ben, un peu. Mais plus mieux. Mais mieux. Il y a, avec moins de contenu, mettons. C'est ça. Avec plus d'applications, voir si t'aimes ça, les ninjas, ou tests, quel genre de personnage des Simpsons. Des tests, non, tu peux pas faire de tests. C'est juste toi. Du métage d'affaires. Sitting on my chair now. Walking on the street. Non, Sauve-nous, Jess. Dernière petite nouvelle du showbiz. Kevin Kyle est sorti du loft alors que c'était supposé être Sini l'évincé. Il voulait en sortir. Donc, il a posé ce geste honorable. On peut l'écouter en parler, justement. Oui, voilà. On a un extrait ici. À Love Story 6, la revanche, c'est Sini qui devait sortir du loft. Mm-hmm. Cependant, Kevin Kyle a offert de prendre la place de la lofteuse pour aller rejoindre son amoureux. J'ai pris la décision de quitter, ça fait à peu près 5 jours déjà, donc ça devait être mercredi, là. Puis je voulais, puis je me suis vraiment confirmé dans le fond, ça dépend dans jour les qu'on derniers est, jours que je voulais faire, mais l'attente était très longue, mais tantôt, j'étais stressé, là. C'était assez intense d'attendre de voir qui serait éliminé et prendre sa place. Sini, pour elle, c'est vraiment important d'être là. Puis je lui souhaite juste une semaine, 2 ou 3 de plus, gars, comme ce sera, mais ce sera déjà ça de plus. Puis elle s'épanouit beaucoup là-bas et elle aime ça être là-bas, elle y a du plaisir. Donc pourquoi l'en empêcher quand moi j'avais le choix de partir de toute façon? On va y construire un enclos du moment qu'elle sorte. C'est de Love Services là parce que c'était comme un challenge si on voudrait. Depuis mon love, comme dit, j'aurais peut-être pu gagner. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'avais pris 3 ans de maturité. Je me suis dit peut-être merci, que Étienne. Fort, malgré le fait que la première fois, j'aimais pas me faire filmer, je me suis senti enfermé. J'ai voulu reprendre le gars. Vraiment, dans le fond, c'est un petit extrait comme ça qu'on peut faire des hâtes pour montrer qu'il y a des gens qui ont du cœur encore en 2009. Ils sont prêts à tous les sacrifices. Si la fille s'épanouit là-bas, écoute, même si. Oui, moi, je voulais rien que m'en aller. Ouais, j'étais vraiment tanné d'être là, fait que j'ai posé un geste héroïque en prenant sa place. C'est ça. Elle avait juste une semaine de plus. C'est ça. Un geste héroïque. Ouais. DJ Georges, s'il te plaît. OK, bien, qui dit héros, évidemment. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il pourrait bien dire? OK, un geste héroïque, il y en a plusieurs. Moi, je connais une amie de ma mère qui est allée faire du bénévolat au Burkina Faso. Ah. Alors moi tout de suite je me suis écrié, mais mon Dieu, ça va tellement déjà assez mal là-bas, pourquoi leur envoyer l'ami de maman? Mais la capitale du Burkina Faso, c'est Ouagadougou, et il y a Alain Barrière qui nous a déjà chanté ici Viva Ouagadougou. Ça remonte le moral. C'est un ami à l'ami de ta mère? Non. OK. C'est pas sain, j'ai l'impression. C'est ça. C'est difficile quand même d'être crédible comme pays quand ta capitale c'est Ouagadougou. Ça a l'air d'une toune de Patrick Zabé. Et tout de suite, même quand c'est chanté, ça a l'air d'une toune de Patrick Zabé. Oui, c'est ça. C'est effectivement, c'est pas dans le même genre, mais avec un accent français. Sinon, on peut tout de suite s'en aller. De Ouagadougou à Zihuatanejo. Alors, Zihuatanejo, c'est au Mexique. J'ai déjà visité la ville de Zihuatanejo. J'aurais aimé être en compagnie de Chantal Renaud, mais non, elle n'était pas là. Par contre, c'est elle qui chante en ce moment. Ça, c'est carrément une toune faite pour être utilisée dans une pub d'annonce d'agence de voyage. Ah oui. C'est sûrement que ça a été réfléchi. Cool. Mais ce qui est le fun à Zihuatanejo, c'est que c'est une espèce de gros ghetto géant avec plein de gens pauvres qui suspendent leur viande accrochée sur le bord de leur porte avec des mouches. Une boucherie aérienne. Puis là, tu peux te promener là-dedans en gambadant et en chantant cette chanson. Puis c'est tellement agréable. Puis pogner la salmonelle. Oui, mais si tu manges rien. Moi, je pense que l'expression croquer dans la vie, ça vient de là. Ouais, c'est croquer dans la mort. Croquer dans les morceaux de viande suspendus. Voilà. Ouais, alors, l'expression croquer dans les morceaux de viande suspendus, ça vient de là, c'est pas mal. Exactement, ouais. Ouais. Mais de ça en découle plusieurs autres. Évidemment, si on a envie d'être malade, un autre pays où on peut aller, c'est le Mexique. Et qui pense Mexique pense tout de suite à Evan Johannes, qui nous a repris le grand succès de Luis Mariano, et je trouve sa version bien meilleure. On a chanté les Parisiennes, leur petit nez et leur chapeau. D'ailleurs, il y avait Cornel Liu, le de Star Academy, qui faisait une espèce de comédie musicale sur Luis Mariano à Joliette. Je sais pas s'il est encore là. Hey, ça ressemble encore avec Maggie, lui. Je sais pas, man. Appelez-nous. Tant de questions et si peu de personnes qui veulent savoir les réponses. Attention, on arrive au refrain. Oui, watch le téléphone. Ça sonne pas. Le seul désir qui on va l'avancer un petit peu, s'il te plaît. Mexico. Et voilà. Ces femmes sont ardentes à Mexico, dit Evan Johannes, qui s'y connaît en femmes ardentes. Alors, semble-t-il. On a parlé tantôt de gens dingues du slip des autres à Saint-Tropez. Il y a plusieurs bonnes tunes de Saint-Tropez. Évidemment, tout le monde connaît celle-ci de Jenny Rock, alias Janine de Bellefeuille. On comprend pourquoi qu'elle a changé son nom. Alors ça, vous avez sans doute déjà tous entendu ça, mais saviez-vous qu'elle existait aussi en anglais, chantée par Jenny Rock aussi dans son anglais du dimanche? Oh. Est international, là. C'est pas coréen, ça? Non, c'est l'anglais du Québec. Ah. Et voilà. Fait que ça, c'est quand t'as vraiment plus rien à en disquer, ben tu reprends ta tune t'as en anglais. C'est pas fou, hein? Tu fais preuve de bilinguisme. Et voilà. Je pense qu'on va en mettre une autre, puis on va aller voir Stéphanie, elle va nous raconter des idées de bandes de magazines de toilettes. C'est que vrai? Moi, j'ai hâte de savoir. OK, ben d'abord, je vais nous ramener ici au Québec avec Julie Darèche, que je dédie à ma belle-mère. Ma belle-mère qui pense qu'elle a toujours pas compris l'ironie dans Radio Cochonnerie. Elle pense juste qu'on a exactement les mêmes goûts en fait de musique. Alors, je lui fais jouer ça ici. Ben, en tout cas, c'est clair ce soir. Elle a pas Internet. Allez. Alors, elle nous chante « Je voudrais être Madelino », donc évidemment, les îles de la Madeleine. On m'a toujours dit « Les îles de la Madeleine, c'est le paradis. » On m'a toujours dit ça. Le soleil, le jour, et la pluie, la nuit. Ah, c'est bien fait. Là-bas, mes parents ont beaucoup d'amis. Ah. Je voudrais être Madelino. Bon, maintenant que j'ai fini mon mime, je vais commencer ma chronique. Ça, c'était pour toi, Benoît. Je sais que tu m'écoutes. On écoute tes mimes. Écoute, j'ai promis quelque chose à quelqu'un, il fallait que je le fasse. Ça fait deux fois que j'essaie de le faire pendant l'émission. Et voilà, c'est fait. Tu peux cocher ta liste. Des choses à faire avant de mourir. Faire un mime à la radio. Il faut maintenant trouver c'est quoi que je m'y mets, mais bon, ça, c'est une autre fois. On va faire les appels. Bref, alors, magasin de toilettes. Tout le monde a sûrement quelque chose qui traîne dans sa toilette. Ben oui. À lire. Outil du quotidien. Ben oui. Donc, donne-moi des exemples de magazines de toilettes que vous croyez être aptes à être un bon magazine de toilettes. Une bouteille de shampoing. Non, c'est pas un magazine. Il y a le classique Reader's Digest. Bon, bravo. Un morceau de robot pour Étienne. J'ai lu le trophée comme ça, ça passe. Comment? Le magazine Séjour. Toi, t'as vu ma feuille tantôt, ça compte pas, mais on va te donner un demi-morceau de robot. Jessica? Maxime? Ah, non, ça, c'est une revue de chambre à coucher. Ah oui. Quand t'es un gars célibataire. Archie? Bravo, Jessica, un morceau de robot. C'est bon. Bon. Fait que bref, je vais continuer. Alors, les magazines de toilettes et de notions d'hygiène. Alors, ce ne sont pas toutes les publications qui peuvent aspirer au titre de magazine de toilettes. Plusieurs publications sont hygiéniquement inappropriées. Le principal critère de toilettitude magasiniale d'une publication est sa propriété d'inabsorption des matières fécales environnantes. Facilement reconnaissable par l'aspect glacé de ses pages. Donc, tout le monde. Oui, je comprends. Alors, c'est pour ça que le Journal de Montréal, le Journal de Québec, la Bible, votre rapport d'impôt ou des écriteaux imprimés sur une éponge ne sont pas des magazines de toilettes. Okay. Vous en avez pris note maintenant? Oui, je vais sortir ma Bible de là tout de suite en arrivant à la maison. Excellent, j'espère. Alors, comment se procurer un magazine de toilettes? Hein? C'est ça que vous voulez savoir, ben oui, n'est-ce pas? Il faut se laisser influencer d'un rangé à l'épicerie. Et combien? Ben, Bon. Alors, premièrement, la dame de la maison se procure, chez Jean Coutu, par abonnement ou on vole ça chez le coiffeur, un magazine au sujet futile. Les secrets de la diète coconut congelée, test, êtes-vous, vous, les plus belles et plus laides robes de Bollywood, etc. Donc, Ça va. Êtes-vous, vous? Ben oui, c'est important de savoir ça. C'est... Ah, 10 questions. Deuxièmement, une fois lue par la femme, celle-ci la dépose dans la corbeille de rotin, important le rotin, situé à droite de la toilette familiale. Troisièmement, au fil des allées et venues, le magazine est lu en ordre d'intérêt pour les articles. Selon Statistique Gambie, 56% des lecteurs de toilettes préfèrent la chronique horoscope. Donc, par tous les membres de la famille, ça c'est lu et ça passe et tout. Alors, quatrièmement, bien des diarrhées et des lendemains de brosse plus tard, alors que l'alignement des planètes décrit dans l'horoscope redevient actuel, la fée des dents, alors que vous dormez, fait irruption dans votre toilette et dérobe le magazine de toilettes. Elle le lit, elle floche le pipi de nuit que vous avez négligemment laissé mariner, puis dépose le magazine de toilettes sur une table à café de la salle d'attente du dentiste. Ah, c'est pour ça que c'est la fée des dents. Ah, ouais. Tout s'explique. Voilà. Faudrait l'avoir en entrevue, la fée des dents. Alors, c'est le cercle de la vie que je viens de vous décrire. Ça part de chez le coiffeur ou d'un abonnement. Ça va chez vous. Fée des dents arrive, un peu d'argent, les dents et évidemment le magazine retourne chez le dentiste qui lui le prête au coiffeur. Je savais pas que la fée des dents travaillait pour le dentiste. Ah, écoute, non, je pense à contrat. Contractuel. Ouais, travailleur autonome. Fait que j'aimerais remercier le site internet desencyclopédies.wikia.com qui m'a apporté aujourd'hui ce merveilleux article. Alors, si Wikipédia vous écœure, ce site-là va vous écœurer encore plus. Donc, desencyclopédies.com, je vous le conseille. Bon, ben, merci beaucoup. Oui, merci. Rendu là, Bruno, il te reste comment de nouvelles? M'en reste une. Tu déglutis ça, ça te tente? Oui, je vais vous déglutir ça. Déglutis, mon gars. D'accord. Alors, il y a des vendeurs de vin crédules au Royaume-Uni qui encouragent leurs clients à suivre justement l'horoscope du vin. Ah! La nouvelle croyance est que le goût du vin changera dépendamment des cycles de la lune. On propose donc aux critiques de goûter le vin seulement quand le vin est à son meilleur selon le calendrier biodynamique. Oh. On va même jusqu'à dire de ne consommer du vin que pendant les jours de racine. Bon, tout ça, c'est des termes biodynamiques qui nous intéressent vraiment pas. Mais tout ça pour dire que le gourou du mouvement des vins biodynamiques, Rudolf Steiner, aurait découvert le concept après avoir consulté télépathiquement des esprits vivant au-delà du royaume matériel. Mmh. Pour renforcer sa crédibilité, je vais aussi ajouter qu'il croit que l'homme est aussi vieux que la Terre et descend de créatures gélatineuses et que les passions des hommes s'infiltrent à l'intérieur de la Terre et déclenchent les éruptions volcaniques et les tremblements de terre. Ah ouais, on n'est pas super loin de la scientologie. Voyons donc! Ben, qui es-tu pour dire ben, le contraire? La colle de patate ouvre les chakras. Je ne suis qu'un descendant de tas de gelée. Mais moi, je l'assume, c'est un amibe. Hey, on va me lancer dans la petite description du texte, et puis après ça, on va dire salut, puis après, on va mettre les derniers bouts du film. C'est bon. C'est pas vrai. Je vais commencer par mettre des bouts du film. On est avec Jim Gaines. Jim Gaines, il est allé voir Richard Harrison, qui s'appelle Mark Collins dans ce film-là, qui était en processus de vengeance personnelle. Jim Gaines a pris des photos du gars qui se vengeait personnellement. On est à 18 minutes 20. Il a déjà tué bien du monde dans le parc à Viande Rouge. Et puis Jim Gaines va parler à son patron des vraies valeurs. Chaud diapo. Ah oui. On voit Mark Collins en train de faire feu sur des inconnus. Dans un gilet rouge. Quand même des policiers fument en observant les diapos. Ouais, c'est vraiment intense. Je crois qu'on a assez de preuves pour sauter ce mec. Ouais, mais je veux savoir s'il y a un seul homme. Il n'y a pas de doute, il est tout seul. Comme vous voyez sur les photos. Les policiers c'est du SPVM. Une parfaite machine à tuer, Bill. Parfaite. Vous savez, ce type d'homme est dangereux. Et ce n'est pas facile de l'influencer. Je veux connaître son passé. Je ne veux lui laisser aucune chance de nous glisser entre les doigts. Une seule erreur, et nos plans s'envolent en fumée. Il y a beaucoup de fumée dans cette scène. Ouais, ouais. On sent que les plans ont de quoi s'envoler. Mais ça... Pendant que... Bon, trame sonore de fond, hein, moi je vis pas sans ça. Donc... Parlons du film lui-même, Blood Debts Eliminator. Famille tuée, vétéran du Vietnam promu en état de légitime vengeance. On est dans le bon vieux pattern, enlèvement, entraînement, vengeance, d'un héros plus mystérieusement que jamais invincible. Mais c'est Eddie Page! Et notre génie a réussi à amener une twist toute simple à cette prémisse toute pauvre. On coupe court. En à peine 10 minutes, Mark Collins aura assouvi sa vengeance. Reste 80 minutes. Il n'avait qu'à continuer à tirer sans fin sur la racine de corruption que sa vengeance initiale aura déterrée. Et quand je dis qu'il va tirer sans fin, c'est de trois façons. Un, parce qu'il va en trouver des gens à tuer en tirant sur la racine. Deux, il va en tirer des balles avec son lance-piou. Et trois, un tuyau semblable au detonator du sergent Glenn au brouhaha va servir à retuer les mêmes figurants qu'au début, mais dans un ordre plus condensé. Maintenant, il y a deux choses sur lesquelles je veux cibler votre attention avec sa défile. Deux affaires impossibles, mais qui se feront dans vos faces plus souvent qu'autrement. Bien sûr, au brouhaha. Teddy Page n'est pas responsable de ces deux aspects à faire pleurer le soleil. Écoutez du douteux en français, ça a de magique de rajouter une étape de gens non motivés au rendu, hachant ainsi encore dans la qualité initiale du film. Les traducteurs du film de Teddy Page ont réussi un tour de force. Un, ils ont remis en boucle des séquences doublées pour ne pas avoir à les redoubler. Et deux, ils ont omis de traduire certains dialogues, les laissant dans leur anglais d'origine, qui est très pauvre d'ailleurs aux Philippines. Sur ce, je suis heureux de vous informer que les informations concernant la réunion d'informations sur la création toute prochaine du CA de douteux.org aura lieu à la date et qui sera écrite sur le site dans la section nouvelles incessamment. Merci d'aller voter et faites attention à Billy Drago, s'il vous plaît. 70% se termine. Étienne Forêt, merci beaucoup. Il va dire merci. Ben, ça m'a fait plaisir. Hey, ça, c'est champion. On a aussi, bien sûr, notre ami Bruno Corbin. Merci. Oui, c'est ça. Jessica. Oi. Hey, pas n'importe qui. On s'en va tout au brouhaha avec Stéphanie. Oui. C'était 70%. Moi, je vais vous laisser ici avec les derniers extraits que j'ai gardés, en fait. On est à 39 minutes quelques, là. Puis là, il parle des vraies valeurs, là. Entre Buzz de la fin, puis dans un univers enfumé. Pas mal passionnant. Les Éliminateurs, Teddy Page. Merci tout le monde. Toutes ces preuves sont suffisantes pour vous faire arrêter, Mark. Mais ne vous en faites pas, nous ne sommes pas la police. Nous ne sommes qu'un groupe de citoyens concernés par ce que nous voyons, entendons et lisons. Des innocents sans défense, des femmes, des enfants, des vieillards sont les victimes de criminels dans les rues et même à l'intérieur de leur maison. Nous voulons que cette ville soit nettoyée, calme, un endroit plaisant à vivre. Vous n'ignorez pas que certains criminels achètent leur droit à la liberté. Certains ne sont jamais arrêtés. Bien sûr, la police fait ce qu'elle peut pour maintenir l'ordre public. Mais la nécessité de respecter la loi sous toutes ses formes fait que les roues de la justice mettent un certain temps à broyer les criminels. Nous voulons que ces criminels soient réellement punis, sans bénéficier des possibilités de notre Constitution. Nous allons vous fournir des noms et des renseignements pour vous permettre d'identifier les criminels que vous devrez éliminer selon vos méthodes. Quand vous aurez terminé cette besogne, vous recevrez une somme substantielle qui vous permettra de recommencer une nouvelle vie. Où vous voudrez, et votre femme pourra vous rejoindre. Enfin, voici Lisa, votre partenaire. Quoi qu'il lui arrive, quelle que soit la raison, il arrivera la même chose à votre femme. Pourquoi ne montrez-vous pas votre visage ? Il n'est pas nécessaire que vous sachiez qui je suis. Vous savez qui sont ces gars ? Non, mais ils savent tout. Ils vous ont choisi. Je travaillais pour une maison de confection. J'ai tué un homme, légitime défense. Maintenant, ils me forcent à tuer encore. Voici Mosby. Maître chanteur. Sa dernière victime, une jeune mère qui s'est suicidée. ont un moyen de pression. Oui, ma fille. Et où on peut trouver ce mec? C'est facile. Amis cinéphiles, bonsoir, bienvenue à Écran Total sur les ondes de Choc FM, la radio web de l'UQAM. Ici Nicolas Krief au micro avec mes collaborateurs. Aujourd'hui, équipe réduite, on n'est pas beaucoup, on est cinq. Alors Sabine Garcia, Marie-Lise Rousseau, Valérie Ouellette à la réalisation et à la régie, Guillaume Côté-Légaré. Alors il manque Goran qui est ailleurs. Et Samuel cours, qui est parti en Yougoslavie ou... Pas encore. Autre... Pas encore? Okay, il fait ses bagages ce soir. Ok, il fait ses bagages. Donc, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bien. Toujours bien. De quoi parlerons-nous ce soir, Sabine Garcia? Moi, je vous parle de Summer of Sam que j'ai pu voir à Ville d'Afrique. Marie-Lise. Un film très léger, et je vous donne un indice, Zac Efron. Oh là là! Oh là là! Oh là là, Zac Efron! Tu l'as fait!